L'épopée du lion. Ce poème, le plus long de tout le recueil, est divisé en quatre parties. Premièrement, le paladin. Un lion avait pris un enfant dans sa gueule et, sans lui faire mal, dans la forêt, aïeul des sources et des nids, il l'avait emporté. Il l'avait, comme un cueil d'une fleur en été, saisi sans trop savoir pourquoi, n'ayant pas même mordu dedans, mépris fier ou pardon suprême. Les lions sont ainsi, sombres et généreux. Le pauvre petit prince était fort malheureux. Dans l'antre, qu'emplissait la grande voie bourrue, blotti, tremblant, nourri d'herbe et de viande crue, il vivait, presque mort et d'horreur hébété. C'était un frais garçon, fils du roi d'à côté. Tout jeune, ayant 10 ans, âge tendre où l'œil brille. Et le roi n'avait plus qu'une petite fille, nouvelle-née, ayant 2 ans à peine. Aussi le roi qui vieillissait n'avait-il qu'un souci. Son héritier en proie au monstre. Et la province, qui craignait le lion plus encore que le prince, était fort effarée. Un héros qui passait dans le pays fit halte et dit « Qu'est-ce que c'est ?» On lui dit l'aventure. Il s'en alla vers l'antre.